Oh, je me lançais dans la génétique. Oh. Pour faire la femme super pratique. Oh. Avec deux bouches et quatre anus. Oh. Pour plaire à mes potes russes. Immonde, une déviance sexuelle. Je calcule à la masse du nombre de pratiquants. La nécrophilie, si elle n'a rien de sensuel, dans mes rêves les plus secrets et banal en tout temps. La liberté active, calor masochiste, enfermé dans le carcan d'une pensée quelconque. Tu penses, je suis la somme des hommes, d'un pourcentage infime du macros comme un femme. Car seul, tu penses que c'est l'unicordie, c'est grâce à sa battra sur toi comme une divine menace. L'épée du rédempteur, question du père Salas. La magie, la saveur d'une lapidation grande. Là, ça c'est. Donc moi je me fais dans la génétique. Pour faire une pensée super pratique. Avec une bombe à chaîne électronique. Pour la Russie et l'Amérique. À celle de l'intelligence, c'est comme se condamner à une vie de errance dans les limbes de la nuit. Sans constante d'abondance pour nourrir ses envies. Des quelques maigres pitons. L'abandon du tout-être, des corporations vaporeuses permettra des exploits. Mes positions amoureuses de la pornofellation. Grâce et libidineuse aux douces interjonctions. Grâce il est voluptueuse. La souplesse des membres est relative à l'état d'une structure assez distante. De toute place répondra. De ton corps viendra liquide sur lumière et moi s'écoulera. La mécanique de fluide n'est pas une science, l'art est loi. Moi je me lance dans la génétique. Pour faire un cancer diabolique. Encore plus long et dramatique. Charnier. Les plaies sont des spectacles grandioses et prolifiques. Les centrales s'amarrent comme le sourire des milliards. Quand une marée gigantesque vient lécher ton thème astral. Se porte de l'univers quand se bouscule ses trotteurs. Quand dans la merde, des braves chats à tue-tête. Les plus malins se sont trouvés, les plus chouettes se sont fatigués. Les sert à rien de souffrir pour avancer. Pour quoi qu'il arrive à périr à serre. Donc moi je me lance dans la politique. Pour faire un monde super pratique. Avec un hymne d'alcoolique. On baignera dans les crottes de bique. Moi je l'ai lancé dans le génétique. Pour faire un monde super pratique. Avec deux bouches et quatre anus. Pour plaire à mes potes russes.